table, la science aura son dessein. L'amour, la charité divine, éternelle en son origine, ne connaîtra jamais de fin. L'amour, la charité divine, éternelle en son origine, ne connaîtra jamais de fin.